Bana mati na ngomba kolu kelongina yawe na bapasi na ngwa ngama umbu na yo yawe yano la ngwa ata pasata minyoko akanza la takozanga ya elikia na yo epa ina Yesu Mesia Kolo na biano. Le PDG Tario Moulongo Tejes Oya biso moko Simba Bana Nous saluons la présence remarquée de Serge Kassala et Femi. Papa, papa, maman, Oboyo Kalisolo, il y a nouvelle écriture. Olokola Lisano, c'est à Foulingenge, Poto Kende Liboso. Mama Duma Judah, Azul.